Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux. Allama al-Qur'an. Il a enseigné le Coran. Khalaqa al-insan. Il a créé l'homme. Allamahu al-bayan. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Ash-shamsu wal-qamar bi-husban. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Et l'herbe et les arbres se prosternent. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut, et il a établi la balance. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. Afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. Il s'y trouve des fruits, et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes. Tout comme les grains dans leurs balles et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. وخلق الجان من مارج من نار. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. De ces deux mers sortent la perle et le corail. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. À lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? كل من عليها فان. Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face, Waj, de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? سنفرغ لكم أيها الثقلان. Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, homme et djinn. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Ô peuple de djinn et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secouru. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Alors, ni aux hommes ni aux djinns, on ne posera des questions à propos de leurs péchés. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? On reconnaîtra les criminels à leurs traits, ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonge. يطوفون بينها وبين حميم آن. Ils feront le va-et-vient entre lui, l'enfer, et une eau bouillante extrêmement chaude. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? ولمن خاف مقام ربه جنتان. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? ذواتا aux branches touffues. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? فيهما عينان تجريان. Ils y trouveront deux sources courantes. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? فيهما من كل فاكهة زوجان. Ils contiennent deux espèces de chaque fruit. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Ils y trouveront les houris au regard chaste qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? كأنهن الياقوت والمرجان. Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien ? فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? ومن دونهما جنتان. En deçà de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? مدهامتان. Ils sont d'un vert sombre. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? فيهما عينان نضاختان. Dans lesquels il y aura deux sources jaillissantes. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? فيهما فاكهة ونخل ورمان. Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? فيهن خيرات حسان. Là il y aura des vertueuses et des belles. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? حور مقصورات في الخيام. Des houris cloîtrés dans les tentes. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défloré. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence.